Grand 3. Et cette opinion de la douairière de Haut-Cardon avait été acceptée. Elle avait eu force de loi sur tous ces esprits dépités et désappointés, de l'inutilité de leurs observations, et qui ne cherchaient qu'une raison pour se rendormir. Cette opinion régnait encore, mais à la manière des rois fainéants. Quand Marmor de Carcoël, l'homme peut-être qui devait le moins se rencontrer dans la vie de la comtesse du Tremblay de Strasseville, vint du bout du monde s'asseoir à cette table verte, où il manquait un partenaire. Il était né, racontait son cornac Hartford, dans les montagnes de brume des îles Shetland. Il était du pays où se passe la sublime histoire de Walter Scott, cette réalité du pirate que Marmor allait reprendre en sous-œuvre, avec des variantes, dans une petite ville ignorée des côtes de la Manche. Il avait été élevé au bord de cette mer sillonnée par le vaisseau de Cleveland. Tout jeune, il avait dansé les danses du jeune Mordaunt avec les filles du vieux Troyle. Il les avait retenues, et plus d'une fois il les a dansées devant moi sur la feuille en chêne des parquets de cette petite ville prosaïque, mais digne, qui jurait avec la poésie sauvage et bizarre de ces danses hyperboréennes. À 15 ans, on lui avait acheté une lieutenance dans un régiment anglais qui allait aux Indes, et pendant 12 ans, il s'y était battu contre les Marathes. Voilà ce qu'on apprit bientôt de lui et de Hartford, et aussi qu'il était gentilhomme, parent des fameux Douglas d'Écosse au cœur sanglant. Mais ce fut tout. Pour le reste, on l'ignorait, et on devait l'ignorer toujours. Ses aventures aux Indes, dans ce pays grandiose et terrible, où les hommes dilatés apprennent des manières de respirer, auxquelles l'air de l'Occident ne suffit plus, il ne les raconta jamais. Elles étaient tracées en caractères mystérieux sur le couvercle de ce front d'or bruni, qui ne s'ouvrait pas plus que ces boîtes à poison asiatiques, gardées pour le jour de la défaite et des désastres, dans les crins des sultans indiens. Elle se révélait par un éclair aigu de ses yeux noirs, qu'il savait éteindre quand on le regardait, comme on souffle un flambeau quand on ne veut pas être vu, et par l'autre éclair de ce geste avec lequel il fouettait ses cheveux sur sa tempe, 10 fois de suite, pendant un Robert de Whist, ou une partie d'écarté. Mais hors ces hiéroglyphes de gestes et de physionomie, que savent lire les observateurs, et qui n'ont comme la langue des hiéroglyphes qu'un fort petit nombre de mots, Marmor de Carcoël était indéchiffrable, autant à sa manière que la comtesse du Tremblay l'était à la sienne. C'était un Cleveland silencieux. Tous les jeunes nobles de la ville qui l'habitaient, et il y en avait plusieurs de fort spirituels, curieux comme des femmes et entortillants comme des couleuvres, étaient démangés du désir de lui faire raconter les mémoires inédites de sa jeunesse, entre 2 cigarettes de Maryland. Mais ils avaient toujours échoué. Ce lion marin des îles Hébrides, roussi par le soleil de Lahore, ne se prenait pas à ses souricières de salon offertes aux appétits de la vanité, à ses pièges à pans où la fatuité française laisse toutes ses plumes, pour le plaisir de les étaler. La difficulté ne put jamais être tournée. Il était sobre comme un Turc qui croirait au Coran, espèce de muet qui gardait bien le sérail de ses pensées. Je ne l'ai jamais vu boire que de l'eau et du café. Les cartes, qui semblaient sa passion, étaient-elles sa passion réelle ou une passion qu'il s'était donnée? Car on se donne des passions comme des maladies. Était-elle une espèce d'écran qu'il semblait déplier pour cacher son âme? Je l'ai toujours cru, quand je l'ai vu jouer comme il jouait. Il enveloppa, creusa, invétéra cette passion du jeu dans l'âme joueuse de cette petite ville, au point que, quand il fut parti, un spleen affreux, le spleen des passions trompées, tomba sur elle comme un sirocco maudit, et la fit ressembler davantage à une ville anglaise. Chez lui, la table de whist était ouverte dès le matin. La journée, quand il n'était pas à la vanillière, ou dans quelque château des environs, avait la simplicité de celle des hommes, qui sont brûlés par l'idée fixe. Il se levait à 9 heures, prenait son thé avec quelque ami venu pour le whist, qui commençait alors et ne finissait qu'à 5 heures de l'après-midi. Comme il y avait beaucoup de monde à ces réunions, on se relayait à chaque robeur, et ceux qui ne jouaient point pariaient. Du reste, il n'y avait pas que des jeunes gens à ces espèces de matinées, mais les hommes les plus graves de la ville. Des pères de famille, comme disaient les femmes de 30 ans, osaient passer leur journée dans ce tripot, et elles beurraient, en toute occasion d'intention perfide, 1000 tartelettes au verjus sur le compte de cet Écossais, comme s'il avait inoculé la peste à toute la contrée dans la personne de leur mari. Elles étaient pourtant bien accoutumées à les voir jouer, mais non dans ces proportions d'obstination et de furie. Vers 5 heures, on se séparait, pour se retrouver le soir dans le monde et s'y conformer, en apparence, au jeu officiel et commandé par l'usage des maîtresses de maison, chez lesquelles on allait, mais sous main et en réalité, pour jouer le jeu convenu le matin même, au whist de Carcoël. Je vous laisse à penser à quel degré de force ces hommes, qui ne faisaient plus qu'une chose, atteignirent. Ils élevèrent ce whist jusqu'à la hauteur de la plus difficile et de la plus magnifique escrime. Il y eut sans doute des pertes fortes considérables, mais ce qui empêcha les catastrophes et les ruines, que le jeu traîne toujours après soi, ce furent précisément sa fureur et la supériorité de ceux qui jouaient. Toutes ses forces finissaient par s'équilibrer entre elles. Et puis, dans un rayon si étroit, on était trop souvent partenaires les uns des autres, pour ne pas, au bout d'un certain temps, comme on dit, en termes de jeu, se rattraper. L'influence de Marmor de Carcoël, contre laquelle regimbèrent en dessous les femmes raisonnables, ne diminua point, mais augmenta au contraire. On le conçoit. Elle venait moins de Marmor et d'une manière d'être entièrement personnelle que d'une passion qu'il avait trouvée là, vivante, et que sa présence, à lui, qui la partageait, avait exaltée. Le meilleur moyen, le seul peut-être, de gouverner les hommes, c'est de les tenir par leur passion. Comment ce Carcoël n'eût-il pas été puissant? Il avait ce qui fait la force des gouvernements, et de plus, il ne songeait pas à gouverner. Aussi arriva-t-il à cette domination qui ressemble à un ensorcellement. On se l'arrachait. Tout le temps qu'il resta dans cette ville, il fut toujours reçu avec le même accueil, et cet accueil était une fiévreuse recherche. Les femmes qui le redoutaient aimaient mieux le voir chez elles que de savoir leur fils ou leur mari chez lui, et elles le recevaient comme les femmes reçoivent, même sans l'aimer, un homme qui est le centre d'une attention, d'une préoccupation, d'un mouvement quelconque. L'été, il allait passer 15 jours, un mois à la campagne. Le marquis de Saint-Alban l'avait pris sous son admiration spéciale. Protection ne dirait pas assez. À la campagne, comme à la ville, c'était des whists éternels. Je me rappelle avoir assisté, j'étais un écolier en vacances alors, à une superbe partie de pêche au saumon, dans les eaux brillantes de la Douve, pendant tout le temps de laquelle Marmor de Carcoël joua, en canot, au whist, à deux morts, double demi, avec un gentilhomme du pays. Il fut tombé dans la rivière qu'il eût joué encore. Seule une femme de cette société ne recevait pas l'Écossais à la campagne, et à peine à la ville. C'était la comtesse du Tremblay. Qui pouvait s'en étonner? Personne. Elle était veuve, et elle avait une fille charmante. En province, dans cette société envieuse et alignée, où chacun plonge dans la vie de tous, on ne saurait prendre trop de précautions contre des inductions faciles à faire, de ce qu'on voit à ce qu'on ne voit pas. La comtesse du Tremblay les prenait en n'invitant jamais Marmor à son château de Strasseville, et en ne le recevant à la ville que fort publiquement, et les jours qu'elle recevait toutes ses connaissances. Sa politesse était pour lui froide, impersonnelle. C'était une conséquence de ses bonnes manières, qu'on doit avoir avec tous, non pour eux, mais pour soi. Lui, de son côté, répondait par une politesse du même genre. Et cela était si peu affecté, si naturel dans tous les deux, qu'on a pu y être pris pendant 4 ans. Je l'ai déjà dit, hors le jeu, Carcoël ne semblait pas exister. Il parlait peu. S'il avait quelque chose à cacher, il le couvait très bien de ses habitudes de silence. Mais la comtesse avait, elle, si vous vous le rappelez, l'esprit très extérieur et très mordant. Pour ces sortes d'esprits, toujours en dehors, brillants, agressifs, se retenir, se voiler est chose difficile. Se voiler, n'est-ce pas là même une manière de se trahir? Seulement, si elle avait les écailles fascinantes et la triple langue du serpent, elle en avait aussi la prudence. Rien donc n'altéra l'éclat et l'emploi féroce de sa plaisanterie habituelle. Souvent, quand on parlait de Carcoël devant elle, elle lui décochait de ces mots qui sifflent et qui percent, et que Mademoiselle de Beaumont, sa rivale d'épigramme, lui enviait. Si ce fut là un mensonge de plus, jamais mensonge ne fut mieux osé. Tenait-elle cette effrayante faculté de dissimuler de son organisation sèche et contractile? Mais pourquoi s'en servait-elle, elle, l'indépendance en personne, par sa position et la fierté moqueuse du caractère? Pourquoi, si elle aimait Carcoël, et si elle en était aimée, le cachait-elle, sous les ridicules qu'elle lui jetait de temps à autre? Sous ses plaisanteries apostates, renégates, impies, qui dégradent l'idole adorée, le plus grand sacrilège en amour. Mon Dieu, qui sait? Il y avait peut-être en tout cela du bonheur pour elle. Si l'on jetait, docteur, fit le narrateur en se tournant vers le docteur Bellasset, qui était accoudé sur un meuble de boule, et dont le beau crâne chauve renvoyait la lumière d'un candélabre, que les domestiques venaient en cet instant d'allumer au-dessus de sa tête, si l'on jetait sur la comtesse de Strasseville un de ses bons regards physiologistes. Comme vous en savez, vous autres médecins, et que les moralistes devraient vous emprunter, il était évident que tout dans les impressions de cette femme devait rentrer, porter en dedans, comme cette ligne hortensia passée qui formait ses lèvres, tant elle les rétractait. Comme ses ailes du nez qui se creusaient au lieu de s'épanouir, immobiles et non pas frémissantes, comme ses yeux qui, à certains moments, se renfonçaient sous leurs arcades sourcilières et semblaient remonter vers le cerveau. Malgré son apparente délicatesse et une souffrance physique dont on suivait l'influence visible dans tout son être, comme on suit les rayonnements d'une fêlure dans une substance trop sèche, elle était le plus frappant diagnostic de la volonté, de cette pile de volta intérieure à laquelle aboutissent nos nerfs. Tout l'attestait en elle plus qu'en aucun être vivant que j'ai jamais contemplé. Cet influx de la volonté sommeillante circulait, qu'on me passe le mot, car il est bien pédant, puissantiellement jusque dans ses mains, aristocratique et princière. Pour la blancheur mate, l'opale irisée des ongles, et l'élégance, mais qui, pour la maigreur, le gonflement et l'implication des mille torsades bleuâtres des veines, et surtout pour le mouvement d'appréhension avec lequel elle saisissait les objets, ressemblait à des griffes fabuleuses, comme l'étonnante poésie des anciens en attribuait à certains monstres, au visage et au sein de femmes. Quand, après avoir lancé une de ses plaisanteries, un de ses traits étincelants et fins comme les arêtes empoisonnées dont se servent les sauvages, elle passait le bout de sa langue vipérine sur les lèvres sibilantes, on sentait que dans une grande occasion, dans le dernier moment de la destinée par exemple, cette femme frêle et forte, tout ensemble, était capable de deviner le procédé des nègres et de pousser la résolution jusqu'à avaler cette langue si souple pour mourir. À la voir, on ne pouvait douter qu'elle ne fût, en femme, une de ces organisations, comme il y en a dans tous les règnes de la nature, qui, de préférence ou d'instinct, recherchent le fond au lieu de la surface des choses, un de ces êtres destinés à des cohabitations occultes, qui plongent dans la vie comme les grands nageurs plongent et nagent sous l'eau, comme les mineurs respirent sous la terre, passionnés pour le mystère, en raison même de leur profondeur, le créant autour d'elles et l'aimant jusqu'au mensonge, car le mensonge c'est du mystère redoublé, des voiles épaissis, des ténèbres faites à tout prix. Peut-être ces sortes d'organisations aiment-elles le mensonge pour le mensonge, comme on aime l'art pour l'art, comme les Polonais aiment les batailles. Le docteur inclina gravement la tête en signe d'adhésion. Vous le pensez, n'est-ce pas? Et moi aussi. Je suis convaincu que pour certaines âmes, il y a le bonheur de l'imposture. Il y a une effroyable mais enivrante félicité dans l'idée qu'on ment et qu'on trompe. Dans la pensée, qu'on ne sait seul soi-même, et qu'on joue à la société une comédie dont elle est la dupe, et dont on se rembourse les frais de mise en scène par toutes les voluptés du mépris. « Mais c'est affreux ce que vous dites là !» interrompit tout à coup la baronne de Mascrani, avec le cri de la loyauté révoltée. Toutes les femmes qui écoutaient, et il y en avait peut-être quelques-unes connaisseuses en plaisir caché, avaient éprouvé comme un frémissement aux dernières paroles du conteur. J'en jugeais au dos nu de la comtesse de Damnaglia, alors si près de moi. Cette espèce de frémissement nerveux, tout le monde le connaît et l'a ressenti. On l'appelle quelquefois avec poésie la mort qui passe. Était-ce alors la vérité qui passait? Oui, répondit le narrateur, c'est affreux, mais est-ce vrai? Les natures, au cœur sur la main, ne se font pas l'idée des jouissances solitaires de l'hypocrisie, de ceux qui vivent et peuvent respirer la tête lassée dans un masque. Mais quand on y pense, ne comprend-on pas que leur sensation est réellement la profondeur enflammée de l'enfer? Or, l'enfer, c'est le ciel en creux. Le mot diabolique ou divin, appliqué à l'intensité des jouissances, exprime la même chose, c'est-à-dire des sensations qui vont jusqu'au surnaturel. Mide de Strasseville était-elle de cette race d'âme? Je ne l'accuse ni ne la justifie. Je raconte comme je peux son histoire, que personne n'a bien su. Et je cherche à l'éclairer par une étude à la Cuvier sur sa personne, voilà tout. Du reste, cette analyse que je fais maintenant de la comtesse du Tremblay, sur le souvenir de son image, empreinte dans ma mémoire comme un cachet d'onyx fouillé par un burin profond sur de la cire, je ne la faisais point alors. Si j'ai compris cette femme, ça n'a été que bien plus tard. La toute-puissance volonté qu'à la réflexion j'ai reconnue en elle, depuis que l'expérience m'a appris à quel point le corps et la moulure de l'âme n'avaient pas plus soulevé et tendu cette existence, encaissée dans de tranquilles habitudes, que la vague ne gonfle et ne trouble un lac de mer, fortement encaissé dans ses bords. Sans l'arrivée de Carcoël, de cet officier d'infanterie anglaise, que des compatriotes avaient engagé à aller manger sa demi-solde dans une ville normande, digne d'être anglaise, la débile et pâle moqueuse qu'on appelait en riant Madame de Givre n'aurait jamais su elle-même quel impérieux vouloir elle portait dans son sein de neige fondue, comme disait Mademoiselle Ernestine de Beaumont, mais sur lequel au moral tout avait glissé, comme sur le plus dur mamelon des glaces polaires. Quand il arriva, qu'éprouva-t-elle? Apprit-elle tout à coup que, pour une nature comme la sienne, sentir fortement, c'est vouloir? Entraîna-t-elle par la volonté un homme qui ne semblait plus devoir aimer que le jeu? Comment s'y prit-elle pour réaliser une intimité dont il est difficile en province d'esquiver les dangers? Tout ce mystère restait-elle à jamais, mais qui, soupçonné plus tard, n'avait encore été pressenti par personne à la fin de l'année 1820 et quelques. Et cependant, à cette époque, dans un des hôtels les plus paisibles de cette ville, où le jeu était la plus grande affaire de chaque journée et presque de chaque nuit, sous les persiennes silencieuses et les rideaux de mousseline brodée, voile pur, élégant et à moitié relevé d'une vie calme, il devait y avoir depuis longtemps un roman qu'on aurait juré impossible. Oui, le roman était à cette vie correcte, irréprochable, réglée, moqueuse, froide jusqu'à maladie, où l'esprit semblait tout et l'âme rien. Il y était et la rongeait sous les apparences et la renommée, comme les vers qui seraient au cadavre d'un homme avant qu'il ne fût expiré. Quelle abominable comparaison, fit encore observer la baronne de Mascrani. Ma pauvre Sibylle avait presque raison de ne pas vouloir de votre histoire. Décidément, vous avez un vilain genre d'imagination ce soir. Voulez-vous que je m'arrête? Répondit le conteur, avec une sournoise courtoisie et la petite rouerie d'un homme sûr de l'intérêt qu'il a fait naître. Par exemple, reprit la baronne, est-ce que nous pouvons rester maintenant, l'attention en l'air avec une moitié d'histoire? Ce serait aussi par trop fatigant, dit en défrisant une de ces longues anglaises d'un beau noir bleu, Mademoiselle Laure d'Alzane, la plus languissante image de la paresse heureuse, avec le gracieux effroi de sa nonchalance menacée. Et désappointant en plus, ajouta gaiement le docteur. Ne serait-ce pas comme si un coiffeur, après vous avoir rasé un côté du visage, fermait tranquillement son rasoir, et vous signifiait qu'il lui était impossible d'aller plus loin? Je reprends donc, reprit le conteur, avec la simplicité de l'art suprême qui consiste surtout à se bien cacher. En 1820 quelque chose, j'étais dans le salon d'un de mes oncles, maire de cette petite ville que je vous ai décrite comme la plus antipathique aux passions et à l'aventure. Et quoique ce fût un jour solennel, la fête du roi, une Saint-Louis, toujours grandement fêtée par ses ultras de l'émigration, par ses quiétistes politiques qui avaient inventé le mot mystique de l'amour pur. Vive le roi quand même, on ne faisait dans ce salon rien de plus que ce qu'on y faisait tous les jours. On y jouait. Je vous demande bien pardon de vous parler de moi. C'est d'assez mauvais goût, mais il le faut. J'étais un adolescent encore. Cependant, grâce à une éducation exceptionnelle, je soupçonnais plus des passions et du monde qu'on en soupçonne d'ordinaire, à l'âge que j'avais. Je ressemblais moins à un de ces collégiens pleins de gaucheries, qui n'ont rien vu que dans leurs livres de classe, qu'à une de ces jeunes filles curieuses, qui s'instruisent en écoutant aux portes et en rêvant beaucoup sur ce qu'elles y ont entendu. Toute la ville se pressait, ce soir-là, dans le salon de mon oncle, et comme toujours, car il n'y avait que des choses éternelles dans ce monde de momies, qui ne secouaient leurs bandelettes que pour agiter des cartes, cette société se divisait en deux parties, la partie qui jouait et les jeunes filles qui ne jouaient pas. Les momies, aussi que ces jeunes filles, qui devaient se ranger les unes auprès des autres dans les catacombes du célibat, mais dont les visages éclatants d'une vie inutile et d'une fraîcheur qui ne serait pas respirée, enchantaient mes avides regards. Parmi elles, il n'y avait peut-être que Mademoiselle Hermine de Strasseville, à qui la fortune eût permis de croire à ce miracle d'un mariage d'amour, sans déroger. Je n'étais pas assez âgé, ou je l'étais trop, pour me mêler à cet essaim de jeunes personnes, dont les chuchotements s'entrecoupaient de temps à autre d'un rire bien franc, ou doucement contenu. En proie à ces brûlantes timidités, qui sont en même temps des voluptés et des supplices, je m'étais réfugié et assis auprès du dieu du Chelem, ce marmor de Carcoël, pour lequel je m'étais pris de belles passions. Il ne pouvait y avoir entre lui et moi d'amitié. Mais les sentiments ont leur hiérarchie secrète. Il n'est pas rare de voir dans les êtres qui ne sont pas développés de ces sympathies que rien de positif, de démontré n'explique, et qui font comprendre que les jeunes gens ont besoin de chefs, comme les peuples qui, malgré leur âge, sont toujours un peu des enfants. Mon chef à moi eût été Carcoël. Il venait souvent chez mon père, grand joueur comme tous les hommes de cette société. Il s'était souvent mêlé à nos récréations gymnastiques, à mes frères et à moi. Et il avait déployé devant nous une vigueur et une souplesse qui tenaient du prodige. Comme le duc d'Enghien, il sautait en se jouant une rivière de 17 pieds. Cela seul, sans doute, devait exercer sur la tête des jeunes gens, comme nous, élevés pour devenir des hommes de guerre, un grand attrait de séduction. Mais là n'était pas le secret pour moi de l'aimant de Carcoël. Il fallait qu'il agisse sur mon imagination avec la puissance des êtres exceptionnels, sur les êtres exceptionnels, car la vulgarité préserve des influences supérieures, comme un sac de laine préserve des coups de canon. Je ne saurais dire quel rêve j'attachais à ce front, qu'on eût cru sculpté dans cette substance que les peintres d'aquarelle appellent terre de sienne, à ses yeux sinistres, aux paupières courtes, à toutes ces marques que des passions inconnues avaient laissées sur la personne de l'Écossais, comme les 4 coups de barre du bourreau aux articulations d'un roué, et surtout à ces mains d'un homme du plus amoli des civilisés, chez qui le sauvage finissait au poignet, et qui savait imprimer aux cartes cette vélocité de rotation qui ressemblait au tournoiement de la flamme, et qui avait tant frappé Herminie de Strasseville, la première fois qu'elle l'avait vue. Or, ce soir-là, dans l'angle où se dressait la table de jeu, la persienne était à moitié fermée. La partie était sombre, comme l'espèce de demi-jour qui l'éclairait. C'était le whist des forts, le Mathusalem des marquis. Monsieur de Saint-Alban était le partenaire de Marmor. La comtesse du Tremblay avait pris pour le sien le chevalier de Tarsis, officier au régiment de Provence avant la Révolution, et chevalier de Saint-Louis, un de ces vieillards comme il n'y en a plus, debout maintenant, un de ces hommes qui furent à cheval sur 2 siècles sans être pour cela des colosses. À un certain moment de la partie, et par le fait d'un mouvement de Madame du Tremblay, de Strasseville, pour relever ses cartes, une des pointes du diamant qui brillait à son doigt rencontra, dans cette ombre projetée par la persienne sur la table verte, qu'elle rendait plus verte encore, un de ces chocs de rayons intersectés par la pierre, comme il est impossible à l'art humain d'en combiner. Et il en jaillit un dard de feu blanc tellement électrique qu'il fit presque mal aux yeux, comme un éclair. Et qu'est-ce qui brille ? Dit d'une voix flûtée le chevalier de Tarsis, qui avait la voix de ses jambes. Et qu'est-ce qui tousse ? Dit simultanément le marquis de Saint-Alban, tiré par une toux horriblement mate de sa préoccupation de joueur, en se retournant vers Herminie, qui brodait une collerette à sa mère. C'est mon diamant et c'est ma fille, fit la comtesse du Tremblay, avec un sourire de ses lèvres minces, en répondant à tous les deux. « Mon Dieu, comme il est beau, votre diamant, madame !» reprit le chevalier. « Jamais je ne l'avais vu étinceler comme ce soir. Il forcerait les plus myopes à le remarquer. » On était arrivé, en disant cela, à la fin de la partie. Et le chevalier de Tarsis prit la main de la comtesse. « Voulez-vous permettre » ajouta-t-il. La comtesse ôta languissamment sa bague et la jeta au chevalier sur la table de jeu. Le vieil émigré l'examina en la tournant devant son œil comme un kaléidoscope. Mais la lumière a ses hasards et ses caprices. En roulant sur les facettes de la pierre, elle n'en détacha pas un second jet de lumière nuancée, semblable à celui qui venait si rapidement d'en jaillir. Herminie se leva et poussa la persienne, afin que le jour tombât mieux sur la bague de sa mère et qu'on en pût mieux apprécier la beauté. Elle se rassit, le coude à la table, regardant aussi la pierre prismatique. Mais la toux revint, une toux sifflante, qui lui rougit et lui injecta la nacre de ses beaux yeux bleus d'un humide radical si pur. « Et où avez-vous pris cette affreuse toux, ma chère enfant ?» dit le marquis de Saint-Alban, plus occupé de la jeune fille que de la bague du diamant, humain que du diamant minéral. « Je ne sais, monsieur le marquis, » fit-elle, avec la légèreté d'une jeunesse qui croyait à l'éternité de la vie. « Peut-être à me promener le soir au bord de l'étang de Strasseville. » Je fus frappé alors du groupe qu'ils formaient à eux quatre.